Chapitre 17. La leçon du passé. L'après-midi, par le chaud soleil d'un jour de juin, comme ils avaient fini d'étendre leurs filets sur les galets et sur le talus gazonné placé entre le fortin de Vauban et la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour, ils étaient un groupe de pêcheurs en causerie, regardant machinalement autour d'eux, tout en devisant de choses et d'autres. Sylvestric Kerbarec, Trémor, Corentin Garec, Lagadec, quelques amis. Provoqué aux confidences par Kerbarec, Kergal, le douanier matelot en ce moment de planton à la petite guérite, placée près de la cale des grandes marées, annonçait, mélancolique, hochant un peu sa tête grisonnante au collier de barbe caractéristique, « Aujourd'hui, mes 25 ans de service que la cloche a piqué pour moi, ma retraite, quoi. Aussi, ce nouveau congé que je fais à cette heure dans la douane, histoire de ne pas rester à rien faire, probable que je le terminerai dans le tombeau. Au diable, que nous comptes-tu là, Kergal ? Quand il y a des vieux comme le Fur qui seraient quasi tes pères et qui ne songent point à s'en aller, tu veux rire, je pense ? » interrompit Garec. Trémor appuya. T'es solide, pique une roche, a duré comme les tas de pois, on pourrait dire. Un clignement fin des yeux tristes du planton souligna sa réponse. Et cette guerre que vous oubliez, hein ? En 1870, où j'ai eu tant de misère, presque rien à manger, le froid, la fatigue, j'en ai gardé de fameuses douleurs, allez, de la sciatique dans les jambes. C'est du pas fameux, tout ça, voyez-vous, pas pour faire de vieux os. C'est vrai tout de même que vous vous êtes battu contre les Prussiens. Ah, si j'avais été là, mais un gamin que j'étais à l'époque, sans ça, avec ces poignes-là, j'en aurais rudement démoli, que je crois. Sylvestric, élargissant encore ses larges épaules, montrait ses mains, de vraies massues à tuer un homme à chaque coup. Le douanier sourit, frottant machinalement sa barbe. Ah! Nous étions des solides aussi, faut croire. Les zouaves à col bleu qu'ils disaient quand ils parlaient de nous, ces Allemands. Et ce qu'ils avaient une terreur de nous, les marins, il est vrai aussi que nous ne leur faisions jamais de quartier dans notre armée du Nord avec Féderbe, un rude général, et qu'ils savaient toujours ce qui les attendait lorsque nous tombions dessus à la baïonnette ou avec notre petit hachereau. Mesdames, trop qu'ils étaient aussi pensés. Je me souviens d'une fois, à une de nos batailles de par là, à toutes que nous étions du reste, Saint-Quentin, Hams, Corby, d'autres encore, enfin à celle-là, 21 000 hommes que nous nous trouvions contre 76 000 Prussiens. À un moment, il nous est venu une charge de 200 Uhlans contre nous, quelques-uns seulement, qui nous étions mis en carré pour protéger les canons. Au premier choc, il y en a eu 6 des nôtres de tués. Moi, j'ai eu la crosse de mon fusil coupée d'un coup de sabre. J'ai tué pas mal de chevaux, j'ai tapé tant que j'ai pu, et je ne me fatiguais pas facilement à cette époque, oh non! Mais ils étaient trop, que je vous répète. Ma foi, on s'en est tiré tout de même. Il n'était que temps, je n'avais plus qu'un soulier, l'autre pied nu. Dans l'ardeur du combat, ça chauffait si dur que je ne m'en suis même pas aperçu, et pourtant, il faisait un froid terrible à geler debout. Une flamme plus vive brillait en ses yeux, d'habitude un peu éteints, en ce moment rallumée par la chaleur des souvenirs de bataille. Il ne pensait plus alors à cette vision de tombeau qui le hantait de temps à autre et lui jetait une cendre de résignation dans les prunelles, blêmissant le parchemin tanné de sa peau. Il termina. On avait pourtant ces moments d'agrément à faire ainsi le troupier. Ça nous changeait de la mer, quoi. Tous prenaient leur part de cette causerie de souvenirs animés, et Lagadec assura. « Je ne m'y connais pas trop à ce que peut être cette existence du marin à terre que tu nous contes là, mais il n'y a pas de vie plus sans souci que celle du marin sur mer avec de bons officiers. Je n'ai jamais été plus heureux pour ma part que le jour où j'ai quitté ma famille pour être marin. » Il s'empressa d'ajouter. « Mais après, au diable, pour un jour où on cueille des roses, on a des années où on n'a plus que les épines. » Kerbarec fit. « Ça dépend des officiers. » Trémor expliqua. « Pour les bons, Ils n'ont qu'un signe à faire pour qu'on se mette en quatre à les satisfaire. Pour les mauvais, ils ne feraient pas bouger 600 hommes, à seule fin de lever seulement un parapluie. » Kergal sourit, approuvant. C'est vrai qu'en 15 jours, le matelot a jaugé ses officiers. Il connaît les bons et les mauvais. Oh diable, il ne faut pas plus pour cela, et on peut dire que rien n'est plus exact que des jugements de matelots qui viennent d'un tas de petites choses, comme les gestes, la voix, la physionomie, la manière d'être des officiers avec nous. Presque toujours, j'ai vu que l'officier bon avec les hommes était intelligent, fort et courageux, et que les autres étaient maladroits, sans avenir et ne perçant jamais. Un autre groupe, atteignant les causeurs, amena dans leur conversation Hervé Morvan, qui cheminait avec Maradour et Balanec, et que quelques mots entendus de loin avaient attiré, questionnant. « De guerre que vous parlez? Des officiers? Du service, quoi? Des souvenirs qu'on a, pas comme tu en auras un jour, toi, Morvan, quand tu parleras aux autres du Tonkin, de Madagascar, des batailles que t'as faites pour la patrie, » répondit Kergal. « Bien sûr, » riposta Hervé, et montrant le fortin rouge. « Tiens, rien que de voir ce petit bout de fort, quand je suis revenu du service, mon temps fini, eh bien, ça m'a fait quelque chose dans le cœur. C'était des choses de patrie. Ça faisait penser aux forts de par là, avec leurs drapeaux qui sont tout ce qu'on a pour penser à la patrie, pour la défendre contre ceux qui l'attaquent. » Maradour, une moue aux lèvres, examinait le petit fort. Il objecta. « Pourtant, pour ce que ça sert ici, on ferait peut-être bien de l'abattre avant qu'il ne s'écroule tout seul sur nous. C'est les ingénieurs qui pensent ça. Dame, avec les manigances de maintenant, ça ne tiendrait pas tant seulement 5 minutes, un méchant bout de fort comme celui-là. Un joujou, quoi. » « Possible, » s'exclama Balanec, devenu tout grave. « Mais tant qu'il y aura à Camaret des gens de cœur, des gens qui aiment le pays, la France, comme le dit si bien monsieur le recteur, ils voudront qu'on conserve notre fortin, notre souvenir de gloire et de victoire. Il a cependant fameusement tenu dans les temps d'autrefois, à ce que je me suis laissé dire. Et sans Vauban, sans son fort, Camaret n'existerait peut-être plus à l'heure qu'il est. Et Brest même, tout grand, tout fort qu'il soit, Brest eût été pris par les Anglais. » L'autre essaya d'objecter. « Bah, une vieille histoire. Pas si vieille qu'on ait pu l'oublier complètement par ici. De 1694, que je crois que c'est cette fameuse descente des Anglais sur la plage de Trèzerouze. Ah, notre petit pays peut en être fier, car il est pour toujours dans l'histoire à cause de cela. Est-ce qu'on sait seulement ce qu'il y a eu? Les uns racontent cela, pas moyen de s'y retrouver. Si encore on connaissait des fois, on ne peut rien savoir de juste, c'est du trop vieux pour nous et personne de nos anciens n'y était, pas vrai? Il n'y a de sûr que le trésor trouvé sur la grève par tonton Alan, le vieil Alan Coz de Kerlor. » Hervé Morvan avait, jusque-là, écouté sans se mêler au débat. Mais voyant que Balanec, embarrassé, ne trouvait rien à opposer, il s'écria de sa place. « Et si je vous disais tout au long par le menu ce qui s'est passé, moi ?» Ce fut autour de lui un murmure approbatif. Le groupe des pêcheurs se resserra subitement intéressé, et Maradour répondit. « Après tout ce que j'en dis, moi, c'est pour savoir. On se doute bien qu'il y ait eu quelque chose. Seulement quoi ?» Balanec triomphait. Il regarda Morvan avec des yeux surpris et charmés, plein de reconnaissance pour ce secours inattendu, faisant « Voilà un homme, au moins. On peut l'interroger sur ce qu'on veut. Il connaît tout. Envoie-nous ça, garçon. » Par modestie, Hervé Morvan commença par se défendre, expliqua. « Oh, c'est pas trop à moi le mérite. On m'a lu la chose dans un livre qui détaillait le combat tout en grand, même qu'on m'a montré une carte indiquant l'emplacement des bateaux et des batteries. Mais voilà, comme c'est des choses du pays, je l'ai si bien gité dans ma cervelle que ça y est resté. Ah, ma foi, on l'a échappé belle, et, comme le disait Balanec, sans ce Vauban, qui était un malin, sans son fortin, eh bien, vous ne seriez pas là à m'écouter tous tant que vous êtes, ni moi non plus à vous larguer la chose, pour sûr. » Il y eut un gros rire, comme pour l'encourager, et les oreilles se tendirent. Après avoir réfléchi quelques moments, pour se bien remémorer les faits, il commença. « C'était, voyez-vous, par moitié d'anglais et par moitié de hollandais qui voulaient crocher sur nous, vu que le roi, à cette époque, Louis XIV que c'était, se trouvait en guerre à la fois avec la Hollande et avec l'Angleterre. Pour lors, les guetteurs de la côte, le 17 juin 1694, entre 4 et 5 heures du soir, découvraient de 30 à 35 navires de guerre renforcés de 80 bâtiments de toutes sortes, chargés d'hommes et de munitions, qui venaient mouiller entre Berthaume et Camaret à portée de bombes de l'un comme de l'autre. « En voilà des affronteurs !» gronda Kervarec, croisant les bras dans un geste de résistance et d'énergie. « Ah, si ça avait été de notre temps, le Toulinguet les aurait bien reçus et leur aurait fait un bout de conduite encore !» Mais Balanec, empoigné, commanda. « Laissez-le donc parler si vous voulez savoir !» Imperturbable, le contremaître poursuivit. Ils passèrent toute la nuit, bien tranquillement, comme si de rien n'était. C'est le lendemain seulement, après qu'un conseil de guerre eut été tenu dès le petit jour, à bord du vaisseau de l'amiral Berkeley, la Britannia, que Caermarthen, l'officier commandant le vaisseau le Monk, chargé de diriger l'attaque, s'apprêta à bombarder le fortin de Vauban et deux autres batteries placées à l'ouest de la baie, à la pointe du Grand Gouin, qui s'appelait alors la pointe du couvent. Tandis qu'ils nous auraient ainsi occupés, les troupes de débarquement, sous les ordres du lieutenant-général Talmache, un dur à cuire à ce qu'il paraît, devaient se diriger sur la plage de Treize Rouses, lance de Trémet qu'on appelait, où se ferait le coup de force. Au diable ! Fameuse idée que c'était là ! Et rudement machinée, grommela Kergal, qui suivait attentivement la description de l'opération, en vieux routier rompu aux manœuvres de guerre. Hervé reprit. « Oui, mais voilà qu'ils avaient compté sans notre brume de Bretagne, contre laquelle on crie tant. Cette fois, elle nous a rendu service, vous pouvez croire. Il y avait donc ce matin-là un brouillard si épais qu'on ne voyait rien de rien à se diriger, et comme, naturellement, la cloche de la bonne dame du roc n'allait pas sonner pour des hérétiques, à seule fin de leur indiquer la passe, ils furent obligés d'espérer, jusque sur les 11 heures du matin, qu'un coup de brise eût balayé la brume, afin d'y voir clair à naviguer et de commencer leur damnée opération. Naturellement, à terre, on ne perdait pas son temps, que vous pensez bien, et ce fut du bon pour nous, car une partie des milices et un corps de cavalerie, commandés par monsieur de Servon, qu'on avait fait mander en toute hâte de Châteaulin, n'arrivèrent qu'à 9 heures du matin. Ainsi, possible que, sans cette affaire de la brume, ils arrivaient trop tard. « On était parés ?» appuya Corentin Garec avec satisfaction. « Il n'y avait plus qu'à crocher dessus, quoi. On n'y a pas manqué non plus, oh oui !» raconta Henri en Morvan. À peine ce Monk, le propre bateau du commandant, eut-il doublé la pointe du Grand Gouin, qu'un des forts de la côte lui appuyait un feu terrible à tout déralinguer, en même temps que trois batteries, dont ils ignoraient l'existence, crachaient à pleine volée sur les autres vaisseaux, à mesure qu'ils prenaient leurs postes respectifs. Pas de chance, le Monk, en voulant replacer à son poste de combat un des bâtiments, le Richmond, qui s'en était écarté, il reçut un boulet qui traversa sa dunette, deux de ses ponts, et sortit à hauteur de sa flottaison, près d'un des sabords de retraite, après avoir tué trois matelots, dont deux aux côtés du commandant. « Un canonnier qui n'avait pas volé son supplément de vin, celui qui a fait ce coup-là !» s'exclama Kervarec enthousiasmé. C'est que Vauban avait tout prévu, même qu'on a prétendu que, par des indiscrétions ou par des espions, on ne sait au juste, il avait été tenu au courant tout au long de ce que manigançait l'Anglais et, de Versailles, sans se déranger, il avait pu parer à tout. Aussi, qui fut surpris, hein ? C'est l'Anglish qui pensait nous surprendre et qui tombait en plein guépier. Tout de même, comme ils sont d'attaque et qu'ils tiennent le pic des bulldogs, quand ils ont commencé à happer le morceau, une fois l'ancre jetée, leurs pièces ripostèrent vigoureusement, rendant coup pour coup, et ils essayèrent le débarquement. Désignant successivement autour de lui les différents points de la côte, entre la pointe du Grand Gouin et la pointe des Capucins, il indiqua l'emplacement des batteries installées par Vauban et la position des vaisseaux assaillants. En dehors du fortin, il y avait une batterie de 2 pièces de canon à la gauche de 13 roses. Du côté de la pointe Trémet, une batterie d'un canon et une autre de 3 pièces le long des falaises, entre 13 roses et Camaret. Enfin, une batterie de 2 canons près du Grand Gouin, au petit fort désaffecté que vous voyez encore au-dessus du Corréjou, et une batterie de 2 mortiers, au-delà de la pointe, de façon à commander l'entrée de la rade. « Tout un cercle de feu !» fit Kergal ravi. « Oui, et dans le cercle, en crâne qu'ils sont, il faut le reconnaître, 3 vaisseaux bombardant la batterie du Grand Gouin et celle de Camaret, 2 attaquant le fortin, placé là où se trouvent les caisses servant de corps morts et 2 autres embossés sous les falaises, afin de protéger le débarquement, en éteignant les batteries de 13 roues et de Camaret. Seulement, on les avait reçus si durs qu'à bord du vaisseau amiral resté en observation entre le Grand Gouin et Berthaume, avec le gros de l'escadre, le conseil de guerre, jugeant la surprise manquée, fut d'avis de battre en retraite et de renoncer à une descente qui devenait périlleuse. Le lieutenant-général Talmache, le dur à cuire, remarqua Maradour, s'entêta, persuadé que cette résistance ne durerait pas, que nous ne savions rien du tout de l'attaque préméditée et qu'il n'y aurait là pour le recevoir que quelques paysans armés à la hâte, incapables de tenir devant ces hommes. Kervarec se fâcha. « Il ne nous connaissait pas, ce lapin-là. Espérez voir un peu, à Breton d'Angleterre, Breton de France, » chuchota Balanec. Il pressa donc plus vite encore le débarquement, qui s'effectua vers midi dans 100 de chaloupes sous le feu des batteries et des 8 compagnies franches de la marine, ainsi que des milices sous les ordres du marquis de Langeron. Ce qu'il perdit de monde avant d'atteindre cette anse de Trémet, qui était son objectif, 13 roues que nous appelons, je n'ai pas besoin de vous le dire, et il dut, dès ce moment, se repentir de sa témérité. Cependant, il parvint à débarquer quelques troupes qu'il formait en bataille quand, sortant d'un retranchement à la tête d'une 100 d'hommes, les capitaines de compagnies franches de la marine, Benoise et de la Cousse, tombèrent sur eux comme la foudre. Les culbutèrent, en tuèrent une quantité et rejetèrent les autres vers leurs chaloupes, dont 7 seulement se trouvaient assez près du rivage pour qu'ils pussent les atteindre. Balanec se frottait les mains. Hé hé, les Bretons ! Morvan, emballé par son histoire, allait toujours. Malheureusement pour eux, autre aventure, la mer baissait, les embarcations, chargées à couler, s'échouèrent. Au même moment, des signaux informaient la réserve de ce qui se passait. Messieurs le comte de Servon, maréchal de camp de la Vesse, brigadier du régiment de cavalerie portant ce nom, accoururent avec un escadron, chargèrent sur la grève et firent un épouvantable massacre de toutes ces troupes entassées pêle-mêle dans les chaloupes et hors d'état de se défendre. Ils mirent bas les armes et demandèrent quartier, tandis que les barques, qui n'avaient pas encore pu débarquer leurs troupes, s'éloignaient à toute vitesse sous la faible protection du feu de leur vaisseau, inférieur à celui de nos batteries qui faisaient rage. « C'est même pour cela, expliqua le mareyeur, que nos paysans et nos pêcheurs ont appelé ce point de la côte, ces roches aiguës que vous apercevez à côté de 13 roues, mort aux Anglais. C'est là qu'étaient ces batteries. « Maro Arsaozon, murmura Trémor, en faisant un signe de croix. Les tombes de ces hérétiques sont là-haut, par les champs, même qu'à certaines époques on voit leur ombre errer sur la grève. Si c'est leur trésor qu'ils cherchent, gouailla Maradour, tout un chacun ici bien sait qu'ils ne le retrouveront pas, qu'il est en sûreté à Kerlor, chez Alancoz. Pas vrai, Kervarec ? Allons, allons, laisse le vieux de Kerlor tranquille, que nous sachions la fin de l'histoire, car ce n'est pas fini que je crois. On m'a souvent parlé de bateaux coulés, et de la chapelle abîmée par un boulet, c'est même assez visible. » Sylvestric montrait le clocher décapité. Morvan continua. « Pour ce qui est du clocher, on le prétend, mais le livre n'en dit rien. Il raconte seulement que le Tessip, un navire hollandais de 30 canons qui s'était trop approché du Corréjou, ignorant les fonds, ayant touché sur nos rochers, avait 12 pieds d'eau dans sa cale, qui est un joli chiffre. Il a perdu non seulement tout son équipage, à l'exception de 8 hommes, mais encore une demi-compagnie anglaise embarquée à son bord et dont il n'échappa qu'un enseigne, un tambour et un soldat. « Je croyais qu'il était question d'un bateau coulé par un boulet. Ce ne peut être celui-là, » fit observer Balanec. « Vous avez raison, voilà que je me souviens. C'était une galiote chargée de soldats qu'une bombe tirée du grand Gouin a coulée au large entre cette pointe et celle des Capucins. Je crois qu'un autre bateau plat a eu le même sort. On assure, du reste, que le Monk lui-même, tout dégréé, sans vergue ni voile, eut grand-peine à s'en tirer et qu'on fut obligé de lui jeter une remorque. Les autres vaisseaux, pleins d'avaries, ne rallièrent pas sans difficulté l'escadre. Un vrai massacre ! Ainsi la rade de Camaret aurait été, comme qui dirait, le tombeau des Anglais ! S'exclama la Gadec, un peu émue. On compta 800 hommes des troupes de débarquement tués ou blessés, 400 hommes tués sur les vaisseaux et 466 prisonniers, dont 16 officiers. Pour notre port, nous n'avions eu que 45 blessés, dont 3 officiers, y compris l'ingénieur Traverse, qui eut le bras emporté. La chose eut tant de retentissement à l'époque qu'il y a eu une médaille pour la célébrer. Tu vois, Maradour, qu'il faut le conserver, notre fortin, et nous en montrer fiers, raisonna Balanec, enthousiasmé. On lui doit tout, appuya Kerbarec. Pour finir, termina Morvan, le lieutenant-général Talmache, qui, dans sa fureur, voulait, le lendemain, qu'on renouvelât l'attaque, en bombardant Camaret et en forçant l'entrée du port, dut se retirer devant l'avis contraire du conseil de guerre. La flotte, bousculée par les vents du sud-sud-est, s'éloigna dans un tel désordre qu'elle ne put rentrer à Portsmouth qu'à la fin du mois. C'est là que Talmache mourut de ses blessures, désespéré, se disant victime de la trahison. « Pensez que c'est notre petit Camaret qui a eu cette gloire-là, » conclut le mareilleur. Le contremaître acheva. Et jamais plus ils n'ont essayé de s'y frotter. Kerbarec eut un fort rire qui souleva sa poitrine. « Ah bien, eux ou d'autres ! On n'a qu'à essayer pour voir, maintenant qu'il y a censément plus de canons le long des côtes que de cailloux dans ces parages de mer, et c'est pas peu dire, sans compter nos torpilleurs, nos cuirassés. » Oh, moi qui voudrais voir ça pour rire un peu. Tenez, plutôt regardez donc par là un peu, vous autres. Il arrive à point qu'on peut dire celui-là. Dans la fine et mince buée bleuâtre qui estompait, adoucissait les falaises de la côte du Léon, passait en ce moment une apparition monstrueuse. Une fumée noire montait, roulait ses volutes, traînait comme une chevelure énorme et onduleuse. La mer écumait, moutonnait, toute soulevée, et une masse longue, émergeant au-dessus de l'eau d'une manière bizarre, passait rapidement, surmontée de mâts courts, semblables à des tours de fer, arrondis du dos en forme d'animal antédiluvien, plésiosaure, ichthyosaure ou autre, et s'enfonçait dans le goulet de Brest. C'était un cuirassé du dernier type, une de ces invraisemblables machines de fer et de feu qui flottent maintenant sur les mers, en îlots mouvants, ayant les hideurs d'animaux à carapace et à écailles, les silhouettes fantastiques de forteresses féodales, et remplaçant ces si gracieux navires à voile qui semblaient d'immenses oiseaux volant légèrement à la surface de l'océan. Mais le mareilleur regardait Morvan avec plus d'intérêt qu'il ne l'avait jamais fait, ramené à lui par l'émotion patriotique, par un retour de sympathie, murmurant à part lui « Un fier gars tout de même, cet Hervé Morvan !» Profondément remué par cette science, ce savoir imprévu que venait de montrer le jeune homme, il se sentit de plus en plus attiré, lui montrant une prévenance en dehors de ses habitudes. Déjà, depuis quelque temps, il se rapprochait de lui en toute occasion, paraissant mieux se souvenir de toutes ces choses que l'arrivée de Denis le Marec lui avait trop fait oublier, c'est-à-dire que Hervé Morvan était un bon matelot, avec ses médailles faisant bonne figure sur ses vêtements de fête, que c'était un rude travailleur, en passe d'aller loin avec son métier de contremaître dans l'une des meilleures fritures du pays. En résumé, tout aussi beau garçon, tout aussi rude marin que le neveu du curé, Il avait, sur Denis, l'avantage d'offrir la certitude de ne pas quitter Camaret pour des 2 ou 3 ans, sans qu'on pût jamais savoir s'il reviendrait de ses voyages au long cours. Se grattant la tête indécis, il bougonnait. Marraine pourrait bien se trouver heureuse avec lui, que je crois, si c'était lui qu'elle avait dans le secret de son cœur. Il soupirait, très ému par la perspective de joie et de tranquillité qui se déroulait sous ses yeux, bien différente de celle qu'il avait un moment évoquée au sujet de Le Marec. C'est que, depuis le scandale de la croix de mission et ce qui s'en était suivi, Balanec avait vu tous ses projets, toutes ses espérances si subitement bouleversées que, durant quelque temps, il n'avait plus su quel parti prendre. Honteux de s'être aussi complètement mépris, d'avoir fait une pareille démarche à faux, en jetant pour ainsi dire sa fille à la tête de Denis, il s'était, depuis, tenu absolument quoi, ne remettant même plus les pieds à la cure et évitant de rencontrer en tête à tête l'abbé Kerbiriou. Du reste, ce dernier était plongé dans une telle désolation qu'il était incapable de remarquer cette abstention du mareilleur. Le soir même de la fameuse cérémonie, après avoir ouvertement reconduit Geneviève Goualen chez son père, Denis Le Marec, en rentrant au presbytère, était tombé subitement malade, et de jour en jour, autant qu'on avait pu le savoir, le mal empirait. Vers cette même époque, Balanec se rencontrait plus fréquemment avec Hervé Morvan, soit que celui-ci guettât les occasions de se trouver sur ses pas, soit que le hasard s'obstinât à le placer devant lui. Et, sans qu'il y songeât, peu à peu le jeune homme avait accaparé ses pensées. Il occupait son esprit au point que, maintenant, le mareilleur faisait des vœux pour que réellement Denis Le Marec eût eu raison en assurant que Rennes et lui s'aimaient seulement de bonne amitié, en camarades, et pour que sa fille n'eût aucun engagement avec celui qui avait osé la renier publiquement, en quelque sorte, par sa conduite avec cette fille du Rebutou. Possible que Rennes n'aime pas Denis, puisqu'il l'a déclaré et qu'elle n'a pas protesté. Ce qu'il y a de certain, c'est que son humeur n'a pas changé, et que si elle est un peu plus triste, c'est peut-être seulement à cause de cette maladie de Le Marec. Mais savoir si elle serait disposée à aimer Hervé Morvan. Et la crainte d'une nouvelle déconvenue, d'une désillusion peut-être plus cruelle encore que la première, lui avait jusqu'à ce jour fermé la bouche. Il eût voulu habilement questionner Morvan, l'amener, sans qu'il s'en doutât, au sujet qui lui tenait au cœur. Mais il n'osait, se souvenant cependant avec un certain espoir que, autrefois, avant l'arrivée de la Croix du Sud, il semblait attiré par les beaux yeux de Rennes. Peut-être l'incident de la croix de mission avait-il ravivé son goût pour la jeune fille. En cet instant, de nouveau, toutes ses pensées le hantaient. Il insinua, ayant son but. « Camaret n'est pas prêt de revoir de pareilles choses. Il ne s'y passe plus rien à cette heure. »« Oui, » riposta Kerbarec. « À part un coup de naufrage par-ci par-là, au gros temps d'hiver, on est assez calme par chez nous. » Maradour, qui aimait la discussion, grommela. « Pas besoin de naufrage pour qu'il y ait mort d'homme, toujours. Vous avez vu ce pauvre Le Bellec tombant raide en plein cimetière, le lendemain de la pose de la croix. On peut dire que c'est un événement, ça. » Le mareilleur, satisfait de voir la conversation sur ce sujet, ajouta. « Aussi, on s'en souviendra de cette croix de mission. Il y en a eu des choses à ce jour. » Tous se regardaient un peu surpris de voir Balanec aborder cette question, car on n'oubliait pas que sa fille s'y trouvait mêlée en quelque chose. Il fit semblant de ne pas avoir remarqué leur mouvement et, s'adressant directement à Morvan, « On dit que Denis Le Marec ne s'en est pas encore remis. » Ce fut la voix toute sombrée de douleur que le contremaître répondit. « Oh diable, le pauvre ami, il est bien bas à l'heure d'aujourd'hui, que je me suis laissé dire, un coup de ces mauvaises fièvres du Sénégal qui l'ont abordé par le travers, rapport à toute la grosse contrariété qu'il a eue. Des fièvres, c'est facile à dire, » insinua Lagadec entre haut et bas. « Sa plus mauvaise maladie, que je crois, c'est cette faïque du Cap de la Chèvre. » Morvan protesta. Une brave fille, franche et dévouée, qu'il aime comme elle est aimée de lui. Ah, quand on aime, allez, on est capable de tout, même de mourir de douleur si on n'a pas celle qu'on veut. Il n'acheva pas, sentant peser sur lui les yeux fouilleurs de Balanec, qui murmurait. Comme il les défend, comme il a dit ça, est-ce que... Sous l'insistance de ses regards, Morvan rougit légèrement, n'osant plus continuer, mais soutenant de ses nettes et loyales prunelles les yeux qui semblaient l'interroger. En même temps, une inclinaison légère de sa tête paraissait avouée. « Oui, il aime Faïgwalen, comme moi-même j'aime Reine Balanec. » Trémor, venant en aide à Lagadec, articulait tout haut. « Tout ça, c'est des sorts jetés par l'homme du Cap de la Chèvre. C'est pas plus naturel de voir un beau et solide garçon comme Denis le Marec vouloir pour femme la fille d'un sorcier que de voir périr, sans cause ni raison, un gars de la santé de ce Lebelec qui devait nous enterrer tous et qui est mort que personne ne peut dire comment. Oh, oh, c'est des paroles graves que tu dis là, Trémor, raisonna Kervarec. Lebelec est mort parce que son heure était venue, voilà tout. Lagadec questionna. Tu crois, Sylvestric? Tu dois cependant te rappeler la chose. Il y avait là deux hommes seulement qui défaisaient les draperies encore fixées à la croix le lendemain de la cérémonie. Conan, juché sur le bras de la croix, devisait avec le Bélec, paisiblement assis sur une tombe. Tout à coup, ce dernier, inquiété par un faux mouvement de son camarade, lui dit « Prends garde de tomber, là. Tu te tuerais raide, vois-tu » Comme Conan le rassurait, le Bélec ajouta « Après tout, si l'un de nous mourait en ce moment, il irait droit au paradis. » Il n'achevait pas qu'il chancelle, s'appuie à la tombe en balbutiant « Qu'est-ce que j'ai ?»« Il était mort. Vous trouvez que c'est dans les choses qui arrivent naturellement ? Moi pas. Jésus, m'a doué. C'est un sort que je dis. » Trémor revint à la charge, encouragé. « Il y en a qui ont de la poussière dans les oreilles, que je crois, et aussi dans les yeux, qu'ils ne veulent pas comprendre ce que les mots, ce que les signes signifient. Tout ça, c'est le Roboutou qui cause. Et si on veut que Denis le Marec guérisse, c'est pas au médecin, comme on le fait inutilement depuis 15 jours, qu'il faut s'adresser, même que son état a empiré, qu'on assure. « C'est vrai, » fit Morvan, la voix sombre. « Ce matin, il va plus mal qu'il n'a jamais été. Tous ceux qui l'entourent sont désespérés. » Trémor triompha. Qu'on appelle Nédélec Gualen et il est sauvé. En ce moment, derrière eux, une voix sourde, concentrée, demanda. « Maradour, ta carriole est-elle libre ?» Tous se retournèrent surpris, n'ayant entendu personne venir, et Balanec, stupéfait, s'écria. « Monsieur le recteur !» La petite porte de la chapelle s'étant ouverte, dans l'encadrement de l'ogive, la silhouette sombre du curé de Camaret se détachait. Il poursuivit sans faire attention aux autres. « Approche un peu, j'ai à te parler. » Et de façon à n'être entendu que de lui, en une sorte de pudeur de ce qu'il allait dire, « Tu vas me conduire à l'instant au cap de la chèvre. »« Hein ? Moi ? Vous ? Que je... » Maradour, décontenancé, ne savait plus ce qu'il disait. Pierre Kerbiriou acheva de sa voix étouffée chez Nédélec Gualen. Le Reboutou, monsieur le recteur ? Vous n'y pensez pas ? Le prêtre affirma, très résolu, chez le Reboutou.